Numéro 16. Où se trouve l'hôtel? Hôtel wa doko desu ka? Où puis-je trouver un restaurant? Restaurant wa doko ni arimasu ka? Pouvez-vous me donner votre adresse? 住所を教えていただけますか? Est-ce que cela vous gêne si je fume? タバコを吸ってもいいですか? Avez-vous du feu? ライターはありますか?